Voyez, ma petite, quelle est ma confiance en vous, reprit madame Marneff, à qui Lisbeth répondit par un signe excessivement rassurant. On jure souvent par les yeux et par un mouvement de tête, plus solennellement qu'à la cour d'assises. J'ai tous les dehors de l'honnêteté, reprit madame Marneff, en posant sa main sur la main de Lisbeth, comme pour en accepter la foi. Je suis une femme mariée, et je suis ma maîtresse, à tel point que le matin, en partant au ministère, s'il prend fantaisie à Marneff de me dire adieu, et qu'il trouve la porte de ma chambre fermée, il s'en va tout tranquillement. Il aime son enfant, moins que je n'aime un des enfants en marbre, qui joue au pied d'un des deux fleuves aux Tuileries. Si je ne viens pas dîner, il dîne très bien avec la bonne, car la bonne est tout à monsieur, et tous les soirs, après le dîner, il sort pour ne rentrer qu'à minuit ou 1 heure. Finalement, depuis 1 an, me voilà sans femme de chambre, ce qui veut dire que depuis 1 an, je suis veuve. Je n'ai eu qu'une passion, un bonheur. C'était un riche Brésilien, parti depuis 1 an, ma seule faute. Il est allé vendre ses biens, tout réaliser pour pouvoir s'établir en France. Que trouvera-t-il de sa Valérie, un fumier? Bah, ce sera sa faute et non la mienne. Pourquoi tarde-t-il tant à revenir? Peut-être aussi aura-t-il fait naufrage, comme ma vertu.